La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Parce que vous pouvez nous voir, nous avons un site internet, hein, vous faites Errance rénaldienne, et lorsque vous arrivez sur le premier Errant rénaldien sur n'importe quel moteur de recherche, j'ai une improvisatrice internet qui a fait tous les moteurs. Puis si vous frappez Errance rénaldienne, frappez-le pas trop fort, hein, ça vous coûte un clavier. Oh, mais Christian Clavier, comment ça coûte un clavier, mon Christian? Bon, moi, du théâtre! Parce que les gens connaissent pas Christian Clavier. C'est un comédien. Ah, ben là, ben moi, je suis comédien, moi! Hey, en parlant de comédien, hier, j'étais avec Francis Huster au théâtre, au Gaîté Montparnasse. À la Gaîté Montparnasse, excuse-moi. Merci. À la Gaîté Montparnasse. Et t'étais au même théâtre que nous? Oui. À la Gaîté Montparnasse. À qui? À la Gaîté Montparnasse! Tabarnasse, oui. À la Gaîté Montparnasse. Et c'était extraordinaire. C'est beaucoup d'informations. Et puis même qu'il y avait de l'improvisation. Et ça s'est terminé à minuit. Minuit, heure de Paris. Oui, heure de Paris. Je suis arrivé à mon hôtel, il était minuit 30. Je savais que je devais me lever à 4h du matin. J'avais mon avion puis privé, mon jet. Bon, t'es comme Alain Bachung. Oui, je suis comme Alain Bachung, j'ai un jet privé. Puis là, mais ils ne pouvaient pas me laisser à Québec. Donc, ils m'ont dit, il y a un parachute. Oui, mais je connais pas le parachute. Ben, parachute, un truc qui fait tomber. Oui, je sais, oui. Non. Le parachute, je connais, là, c'est un... C'est des masques que vous pouvez... Ben, vous, c'est extra masque, moi. Oui, c'est vrai. Mais c'est... Parce que, moi, c'est à cause de la... De la biscuit chocolatière. Oui, c'est ça, oui. Alors, donc, on va vous mettre deux parachutes. Oh, comme ça. Comme ça, vous allez atterrir. À Québec? Ah, oh, ben là, pas certain. Hein. Peut-être à Mont-Prairie, à Mont-Joli, à Mont-Pas-Trop-Joli, à la Manne-Joli. Peut-être, on verra la Jolitesse. La Jolitesse, ça existe même pas, Jolitesse. On verra à quel endroit vous tomberez. Si je tombe dans un ruisseau. Ah, oh, ben là, c'est ce ruisseau près de la côte nord. Que vint le vin, que vint le jour. Où se trouvera. T'as vu de la misère, hein? Mais non, comme disait le grand comédien Abel Maben. On commence. Abel Maben. Oh oui, Abel Maben. Abel Maben. Ah oui, celui qui disait, ah, pourquoi ne pas? Oui. Abel Maben, il disait, pourquoi ne pas? Et puis moi, je disais, pourquoi pas? Bien le jour. Ou bien, et c'est quoi ça? C'est un serpent? Oui, mais c'est un serpent pas trop assommé. C'est un serpent assonné. OK. Alors, il ne sonnera pas sur mon genou. Non. C'est sur ma chenille. Non. Les serpents n'aiment pas les chenilles. Oh! Ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ben, il y a quoi? Vas-tu finir ton intro de tantôt? Non. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Est-ce que c'est laissons-lui ou laissons-le? Hey, toi, là, je te dis que c'est laissons-le. Alors, laissons-le. Laissons-le chanter sa vie. Laissons-le voir sa gloire. Laissons-le voir la réalité à travers toute la réalité qui s'ouvre. Lui ce soir, laissons-le enfin chanter, laissons-le enfin mort. Qu'est-ce que t'allais dire? Puis rien. Laissons-le nous suggérer. Non, allez, vas-y. Non, on peut pas. Il est 21h20, on peut pas tout dire. Ben, tous les enfants sont couchés, petit bébé. Est-ce que tu dors? Ben, il dort. C'est pas un enfant, c'est un cochon, ça là. Ben oui, mais c'est un cochonnet. Oui. C'est un cochon quand même, un cochonnet. Mais c'est vrai. T'as tout le temps raison, mon canard. On peut pas... Non, mais voyons donc, on peut pas dire n'importe quoi. C'est un cochon qui dort.

Le fil de ses jours s'arrêta sur un souvenir osé. Et sa bite se cabra si raide qu'elle en soit le boucher. Prenant soudain conscience du côté tragique de son sort, Régis brisa ses liens auprès d'un vigoureux sapore. Et notre héros en route se mit à grands coups de moineau à assommer tous ceux qui lui en voulaient un morceau. Et plongea dans la mer l'aileron sorti en dehors de l'eau. Hors d'haleine, notre idole nagea d'un trait jusqu'au Québec et déboucha chez eux par le trou du bol de toilette. Mais juste au moment où Régis rugissant surgissait, le gros pape Napoli qui était assis sa bolle chier ne fut pas plus surpris de se faire entrer direct dans l'arène. Oh Régis, oh Régis, toujours, toujours le premier. De mon amour éternel. Est-ce que je peux l'essayer? Ben oui, elle est à toi comme le vin, les fleurs, tout ce que j'ai est à toi. Ma vie, si tu veux. Peux-tu, je vais te prouver à quel point je t'aime. Demande-moi n'importe quoi. N'importe quoi? N'importe quoi. Chantez-moi une chanson. Peux-tu chanter une chanson ici? Chantez-moi une chanson ici, tout de suite. Parle-moi d'amour. Je t'aime, je t'adore, tu le sais. Chantez-moi, parlez-moi d'amour. Plus fort! Parlez-moi d'amour, dites-moi ces choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Comme à l'enterrement de papa. Je me sens toute drôle. Écoutez. Écoutez quoi? Mon cœur. Là! Il est beau, hein? Oh oui. C'est l'amour. Le grain. Le grain. Le grain. Le grain. Oh, je me sens comme... Comme quoi? Comme fiancé. Mais Rosemary, on n'est plus que fiancés. On est unis pour la vie, toi et moi, tous les deux. Oh. Ensemble. Viens. C'est ça. Marche. Tiens, regarde. J'ai préparé ma petite nuit d'amour. Dépose ta blouse sur le lit. Moi, je me déshabille là-bas. Oui. T'as encore peur? T'es heureuse? pas le CAP du Thatcher, mais j'ai une aura qui concurrence les doctorats, comme on dit dans les hautes souches. Je suis diplômé de la bouche. C'est un gitan nommé Fracas qui m'a remis mon certificat. Il m'a dit le sang de mes morts, toi t'es pas un pécor. C'est vrai, j'ai du gros mon fait maison, j'en ai pour les quatre saisons. Je tue mais aujourd'hui encore, je jure pas les morts. On m'appelle la bouche qui fait mouche. Sujet, verbe, compliment, je te touche. On m'appelle la bouche qui fait mouche, et dès qu'il touche, j'en serre la bouche. Mes maîtres étaient rois de la bouche, parce qu'ils étaient tous manouches. Mais n'est pas manouche qui veut, mais plutôt celui qui a meut. Et ils le disent pour la vanne, il faut un chien, une caravane. Sinon ferme ton bec et laisse les volets clôter un raclot. Et, mais attention, je vis les bandes, pas à l'aveugle, je suis pas un chien. Moi je protège la marchande et mon dentiste est l'opticien. On m'appelle la bouche qui fait mouche. Sujet, verbe, compliment, je te touche. On m'appelle la bouche qui fait mouche, et dès qu'il touche, j'en serre à la bouche. On m'appelle la bouche qui fait mouche. Sujet, verbe, compliment, je te touche. On m'appelle la bouche qui fait mouche, et dès qu'il touche, j'en serre à la bouche. Des mots d'antan, j'en ai tout plein que je déterre un par un, comme une grue de chez Poclin, et j'en fais de la formule. Je tue un deux mots, il faut que ça sonne, pour ça je prends. C'est pas vrai. Une maison close. Trop close, mais en même temps, on dit une maison qui fait entrer que les invités chevronnés à ce genre de volupté. Oui, oh, c'est bien dit ça. Est-ce que vous pouvez... Non, on peut pas redire, nous autres. On balance une fois, mais remet deux. Pourquoi? Ben, lorsque les inspecteurs nous arrivent, ils nous disent qu'y a-t-il à dire? Comment? Qu'y a-t-il à dire? Qu'y a-t-il à dire et qu'est-ce que vous dites? Ben rien, y a rien à dire. OK. Alors pourquoi vous pouvez pas nous redire ce que vous avez mentionné? Ben, c'est du secret, hein? OK, alors donc nous sommes dans le polychinelle. Dans le polychinelle. Ben, merci. Et puis, encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. La zaleur, ben, il est l'heure. Il est l'heure de quoi? De laisser les pendules. OK, les pendules quoi? Ben, à l'heure. Il est temps, il est temps. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de se dire je t'aime. Et merci à Madame Tremblay. Madame, qu'est-ce que tu as dit? Hudon. Et puis à Monsieur Lévesque de nous avoir appelés. Vous êtes très gentil. Et puis nous allons toujours vers ce même chemin de l'improvisation, de la structure non dirigée et de cette volupté langagière. Merci de nous avoir appréciés ce soir. Malgré quoi? Malgré le décalage. Le décalage de bière! Oui, moi j'ai dit, j'en prendrai pas trois, mais en prendre une parce que je dois aller faire mon émission. Ouais, mais ça fait combien de temps que t'as pas dormi, toi, là? 32 heures. 32 heures que t'as pas dormi puis tu viens faire une émission Errance Bendalienne? Écoutez, j'ai CKRL graffé sur le cœur. Mais oui, on demande au docteur Welby. Docteur Welby, docteur Welby, pouvez-vous ouvrir ce cœur? Mais là, s'il ouvre ce cœur, je mourrai. Mais tu mourras. Mais voyons donc. Alors, mon petit cher, mais c'est CKRL qui est graffé dans mon cœur. Allez-y, allons. Ici, c'est la cage. La cage de quoi? La cage des oiseaux. Et à côté, c'est la cage thoracique. C'est la cage thoracique. S'il vous plaît, coupez pas tout. Mais il faut trancher dans le gras. Oui, c'est vrai, je suis pas mal gros. Ben non, on est un peu moins depuis 10 jours, hein? Oui. Il faut dire que j'ai pas trop bu. Non, parce que moi, je me dis que si je bois un litre, j'en urine au moins 15. Oh, c'est mental. C'est très mental. Pourquoi tu parles comme ça? On va m'ouvrir. C'est vrai, on va s'ouvrir, M. Gagné. Êtes-vous prêt à cette ouverture? Non. Mais on va le faire quand même en direct. Oh, s'il vous plaît. Mais il reste combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. Oh, mon Dieu. On peut pas. On se sent comme outragé. On peut pas. Alors, on va te laisser. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, hein, c'est le décalage, puis... Non, mais ça a été une très bonne émission, hein! Madame Baudouin va vous applaudir. Mais moi, j'ai pas terminé! J'aime pas... Non, moi, j'applaudis pas pour rien. Moi, je suis pas une genre d'auditrice, là, facile. Voyons donc, auditrice facile. Non, je suis pas une auditrice facile. C'est pas parce qu'on dit « il était une fois » que je disais « oh, bravo! » Il était une fois, qu'est-ce qu'il était, là? Raconte-moi ton histoire, puis m'en l'approprier si je l'aime ou je l'aime pas, si je te trouve drôle ou si je te trouve pas drôle. Et maintenant, je te trouve pas drôle, moi, là. Oh, comme plein d'auditeurs. T'es pas drôle. T'es quoi? T'es bizarre. OK, mais la bizarrerie... N'amène pas l'original... Laurie. N'amène pas Laurie. Ah non, Laurie était plus avec Garou non plus, là. Comment ça? Ben, tout à l'heure, quand je passais aux douanes françaises, le mec, quand il voulait faire hyper cool, là, il était incroyable. Il y avait deux filles avant moi. Puis là, il les amenait. Oh, ben putain, vous êtes chic, mais vous quittez Paris. C'est dommage, on parle des beautés. Puis là, hey, je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, il arrive à moi. Alors, vous êtes venu pour... Pour me distraire. Hein? Vous étiez où? À Pigalle. Vous avez rencontré... Il y a de la pute. Il y a de la joie. Il y a de la pute. Et puis là, il me dit comme ça, pour avoir l'air hyper sympathique. Vous êtes un ami de Garou. Qui? Garou. Gary. Garou. Ben, je connais Garou Cooper. Non, c'est pas Gary Cooper. C'est Garou. Oh non. Moi, Garou pis Céline, là, oubliez-moi, c'est pas moi, cela, là. C'est qui, vous? Ben, c'est moi, donc, Serge, c'est Fred Fortin, mais c'est pas Garou pis c'est pas Céline. Alors là, vous allez passer du côté droit. C'est quoi, ça? C'est la fouille universelle. C'est la fouille universelle? On vous fouille de partout, du devant, mais surtout du derrière. Mais voyons donc, Garou, je connais bien Garou. Oh oui, mais je suis son frère, moi, c'est Garou Gagné. Oh! Là, j'ai passé VIP, champagne, puis ouais, donc, puis là, avant de monter, j'étais déjà titubant. Là, on m'a dit, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, là, la reine, comme nous, on a une reine du carnaval, on avait une reine du carnaval, est-ce qu'il y a une reine chez vous? On a une reine de la connasse. Est-ce que la reine de la connasse pourrait me monter avec elle pour que j'ai l'air un peu humble, là? Un peu, mais humble. Humble, oui. Alors là, il me présente à... c'est un connard, c'est un bonjour connard, c'est M. Garou. Hein. Alors on est monté. Et j'ai été comme chamboulé par son intelligence. Elle m'a dit, vous êtes le frère de Garou? Non, moi c'est Renal Gagné. Gagné, c'est pas Garou. Ben non, c'est Gagné, c'est pas Garou, et Garou, c'est pas Gagné. J'en suis très heureux maintenant. Et c'est pour ça que je peux vous dire que je vous remercie de m'avoir libéré. Libéré, ben parce que j'ai une émission de radio, voilà, là, maintenant. Ah oui, sinon vous seriez en retard. Ben, je suis tout le temps en retard, ben. J'ai toujours été en retard et on dit encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Ou les pendules à l'heure, non, c'est Zalor. Non, c'est pas Zalor. Zalor est fermé à cette heure-là. Oui, ben il est quoi, 21h44, le Zalor. Alors c'est pendules Zalor ou Zeller ou à l'heure ou pas l'heure. En parleur. C'est les pendules parleur. Replaçons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Oh, on n'a même pas le temps. Pourquoi tu lis ça? Ben, je sais pas. C'est toi qui m'as dit de le lire. Ah, mais on se quitte. Toute la nuit, j'ai couru bourré de troquet en troquet. Quand soudain, le frère André m'apparaît. Le frère André! Du coup, moi, j'en profite pour y demander si Hogan Quit, c'est une bonne place pour manger des hot dogs. Hot dog ice cream frère. Le tomaturge acquiesce, fait que je traverse tous les cantons de l'Est vers les lignes par la famine emportée. Arrivé à la douane, je lâche un pet, il sort de la boucane. Et toutes les grosses polices rient d'un rire de bœuf. Un des deux, à grande main poilue, curieux de voir mes deux belles grosses couilles, charge ses longues toilettes de me soumettre à la fouille. Il fouine comme un furet pour enfin trouver dans ma rêve un joint de pote qui s'y faisait macérer. Profitant de ce que le bœuf avait la tête entre mes deux cuisses, j'en lâche un, lui me rate un rapport de police. Et le monde carcéral me parut soudain si rural. J'étais bien, l'amour revenait dans ma ville. Et les bœufs chantèrent, all I need is a pickup truck, a dog and a chainsaw, a chalet on the highway 87, a shiny mustache cutter, bullets in my gun, and a home-delivered bucket of fried chicken. Ce n'est pas sans une larme que j'ai quitté le poste de douane où j'avais passé de si beaux moments. Ouh, de beaux moments! Je suis rentré à maison par toutes sortes de pistes de ski de fond en chantant fort et mal mon beau sapin. Depuis ce jour, mes amis, je suis barré aux États-Unis, où Poudria descend de temps en temps. Il me reste pour me consoler mes vieux albums de Paul Pichet et le village québécois d'antan, ainsi que cette chanson. All I need is a pickup truck, a dog and a chainsaw, a chalet on the highway 87, a shiny mustache cutter, bullets in my gun, and a home-delivered bucket of fried chicken. Oh yeah! C'est gros? C'est tout petit. C'est petit petit. Oh! Oh! Est-ce que j'ai des messages? Pas de message. Me voilà mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait du mauvais sang. Je me suis fait une bonne onguin, bien guéri d'un pas grand temps. Puis j'en ai sur le bout de la langue qui ne m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer. Du cou qui est aussi grand que 30 sous. J'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un autre sur le bord de l'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'ils ternissent pas, sont garantis 14 garants. Puis j'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Ça me fait bégayer. J'ai de la misère à marcher, je ne m'ordure en saut du pied. Quand je mets mes boussillers, je vous assure, ça fait boiter. J'ai fait ça l'été passé quand j'étais au Saguenay. C'est à mon âme baignée, une écrevisse m'a fait ses pieds. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Puis ça m'a fait bégayer. Des fois je rhumatise, et d'autres fois j'ai la piquette. Quand je mange la soupe au pot, j'ai des brûlements d'estomac. Pour guérir mon mal de rein, je mange des crêpes de sarrasin. Si ça continue comme ça, ils vont chanter mon libérant. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue et qu'il m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer. Si vous êtes comme ça, mes amis, ça veut dire que vous êtes mal pris. J'ai un conseil à vous donner, vous étiez de vous faire soigner. Avant que ça y aille trop loin, allez voir le médecin. Quand on apprend trop longtemps, ça finit par un enterrement. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer. C'était Errance Renadienne. Je vous remercie infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, j'espère que vous avez été divertis. C'est le but de la manœuvre. Oui, mais la manœuvre, là. Mais la manœuvre, qu'est-ce qui se passe avec la manœuvre? Ben, là, on l'avait perdu. On perd rien ici. On perd tout. On perd tout à essayer de te comprendre. Il n'y a pas de décodeur. Il y a la grand-mère. Oui, mais la grand-mère Renadienne, c'est où, cela? C'est dans la bibliothèque cérébrale. Eh, monsieur... C'est classé où? Dans les 3X. 3X à côté de... À côté d'Anaïs Nin, Henri Miller. Oh, mon... On trouvera jamais ça, là! Oui. Puis, en plus, moi, j'ai dit pour tous les autres, là, les gens plus âgés, ceux qui voient un peu moins, mais qui entendent trop. Parce que c'est pas parce qu'on entend... On entend trop. Hein? C'est pas parce qu'on voit rien qu'on entend rien. Ah, tu t'es repris? Non, mais c'est pas parce qu'on voit rien qu'on entend rien. On entend trop. Bon, on faut pas grand-chose. Mais c'est quoi? C'est écrit petit, hein? C'est des gouttes pour les yeux, puis on dit une soluté ou... Non, mais c'est ça le problème. Mais ici, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Alors, merci de m'avoir écouté. Qu'est-ce que tu dis là? Il n'y a absolument rien. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Puis surtout, soyez heureux, c'est le but de la manœuvre. Et suintez comme la Vierge Marie! La Vierge Marie! Mais la Vierge, elle suinte beaucoup moins que moi. Comment ça? Ben, c'est parce que à un moment donné, là, quand je n'ai plus de sueur, ben quoi, qu'est-ce qui se passe quand tu n'as plus de sueur? Ben, je pleure. Ben, c'est les larmes, c'est quoi ça? C'est des pleurs. Ben oui, mais c'est aussi une libération d'eau dans ton corps. Alors tu vas moins voir l'urinoir. Tu vois moins l'urinoir qu'elle boire. Alors bonne soirée, puis on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Ben, je pense que sincèrement, là... Richet, es-tu prêt, mon Richet? Accorde ta guitare, fring, il est pas capable de guider. Hey, il fait du trop... T'as les mains moites. Il y a un truc, ça, si t'as les mains moites, prends ton gaminet. Ton gaminet, ton gilet, ton t-shirt, OK? Essuie-toi les mains, et puis vas-y. Fring, ah, c'est beau. Entendez-vous le fring? Fring, alors c'était... C'est Richet Barrier qui finira avec la pièce, parce que c'est un thriller digital. Oh, mon oncle Serge, Monsieur Peter, Rinald Gagné. Oh oui, hey, essaye, attends, mon petit gars, attends. Parce que là, les gens vont me dire, comment on peut te rejoindre? Ben, mon nom, c'est Rinald Gagné. Mon site, c'est Rinald de Québec, si vous voulez m'écrire, R-I-Y-N-A-L-D-Q-U-E-B-E-C, à commercial@hotmail.com. Et si vous allez sur Google, n'importe quel FR, n'importe quel moteur de recherche, vous rentrez Errance, espace, Rinaldienne, R-I-Y-N-A-L-D-I-E-N-N-N-E. Vous allez tomber sur l'errance, c'est moi. Bye bye, à la prochaine. Et surtout, délirez. Saint-Dodier, babine gourmande et taille de guêpe, que se lève celui qui, en faisant ses crêpes, n'a jamais rêvé à Manon la Guidoune, qui fut aussi belle que fut affreuse sa poudre. C'est Monsieur Peter qui conduisait Manon, et un soir qui la ramenait à la maison. Voyant ce dash dans sa coche pleine de cash, il mit la main dessus en poussant ce rire trash. Ha ha ha, faisait le toxon en poussant la plante par la porte du camion. Il a une mille cap sur le casino, tandis que Manon appelait Alfredo. Mais qui était donc Alfredo? Alfredo était un malheureux connard qui était bien connu à Saint-Léonard. Aussi dès qu'il reçut l'appel des Manon, il se lança dans la poursuite du camion. Entre-temps, Peter avait gagné le gros lot, et sortait deux pitons du casino. Tout droit, filèrent tout droit vers l'hôtel d'Orion. Et comme notre homme avait tout dans les talons, hurlaient les cochons. On en a vu beaucoup, mais lui c'est un homme. Et tandis que la crème giclait au plafond, Alfredo avait retrouvé le camion. Oh, la bosse! Le boss de l'hôtel, un grand bloc à lunettes, sa journée finie, prit la poudre d'escampette. Mais ressemblant à Peter, à s'y méprendre, Pau, il se fit descendre. Alfredo remit son gun dans son veston et rentra fier d'avoir rempli sa mission. Peter sortit de l'hôtel en se coinçant les couilles dans sa fly et trébucha sur la dépouille. Ha ha ha, fit-il dans sa tête, il serait grand temps que je me fasse honnête. Mais c'est des trucs qu'il y a travaillé depuis. Quand on le voit, on sait qu'il a pas réussi. Ha ha ha, riez les pochetrons, à qui Peter comptait ses tribulations. Pour éclairer au tout gavé de ses histoires, car il sert à boire tous les soirs au baba. Monsieur Peter Bartender. Lorenzo? Jette-toi pas sur elle comme un ogre. Ben non. La finesse, la délicatesse, une petite attention. Oui, madame Sweetie. Lorenzo? Ça veut pas dire de coucher par terre à côté du lit. Ben non, voyons. Vous êtes allé à l'église? Oui, à confesse. La crèche est belle. Ah oui. Voulez-vous un thé, un café? Non, merci. Vous voulez manger quelque chose? J'ai des gâteaux. Non, merci. Je viens de manger des crevettes de Shanghai. Ah bon? Il fait chaud, hein? Vous voulez prendre un bain? J'en ai pris un hier. Oh, j'ai couru. Je suis trempée jusqu'aux os. Qu'est-ce que c'est? Un moteur? Ah, ça? C'est une nouvelle invention. Un brûleur à l'huile. Ça remplace le chauffage au bois. C'est beau vert comme ça, hein? Ça fait propre. Puis ça fonctionne automatiquement avec un thermostat. Un thermostat? Ouais, un thermostat. Je le tourne, puis j'ai la température que je veux. 110, 112, 80. Quelle température voulez-vous? 80. Il fait déjà 80. 72. 72. Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme à un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme une enfant gâtée qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Lorenzo. Oui, Rosemary. Est-ce que je peux voir votre nœud de bois? Vous voulez vraiment le voir? Oui. Je reviens. De juifs sont relâchés. La tête rasée et les traits émaciés, plusieurs ont des pansements sur les bras, car ils ont souffert d'engelures durant la récente vague de froid au camp de Sachsenhausen, Dachau. Vous avez apporté le prototype. Ah, le prototype! Vous connaissez le principe de la chambre à air? Oh oui. J'ai inventé un autre système. Un ressort. Dans un cylindre. Ça fonctionne comme un piston. Comprenez? Oui, oui. Quand le choc est trop violent, il y a un petit jet d'huile dans le fond pour l'amortir. C'est intéressant, hein? Oui. Comment faites-vous pour faire une crevaison? Aïe! Oui! Oh non! Oh non, pas celle-là! Oh non, mademoiselle, pas celle-là! Une autre! Aïe! Oui! Oui! Il ne trouve pas chaussure à son pied! Il ne trouve pas chaussure à son pied! Nous lui avons tout essayé! Tous nos modèles y ont passé! On ne trouve pas chaussure à votre pied! Vraiment, monsieur, nous sommes navrés! On aimerait tant vous soulager! Mais on ne trouve pas chaussure à votre pied! Mesdemoiselles, vendez-moi s'il vous plaît une paire de savates. Plus de souliers, j'ai les extrémités trop délicates. Tout gonflé, meurtrisé, livide. Mes pauvres pieds endoloris subissent les attaques perfides des mauvais œils de perdrix. Je les chouchoute, je les dorlote avec des pommades et des bouillottes. Mais du rayon sont sans pitié, je ne trouve pas chaussure à mon pied. Il ne trouve pas chaussure à son pied, il ne trouve pas chaussure à son pied. Comme planche de salut, y a pas doute, il lui faut celle sans bout. Ah, quel bonheur, je ne sens plus mes douleurs, c'est comme si j'avais des ailes. Je vais pouvoir, grâce à vous, mes sauveurs, faire la cour aux demoiselles. Quand je leur parlais de mes pieds, elles disaient wow. Et faisaient demi-tour. Mais grâce à votre nouveau soulier, je vais enfin connaître l'amour. Je vois le mariage au bout de la route, le célibat vaincu par le snowboot. Mesdemoiselles, je suis sauvé, j'ai trouvé chaussure à mon pied. J'ai enfin trouvé chaussure à mon pied. Permettez-moi de vous inviter. Ce soir, je vous emmène danser car j'ai trouvé chaussure à mon pied. Il a trouvé chaussure à son pied. Il n'a plus l'air d'avoir la coupe. Qu'il est beau notre cavalier. Ah, oh, s'il est chic en snowboot. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.